la nuit quand la journée moi qu'à chercher connaître. Chercher pour moi connaître ça qui fait moi arriver là. Ça qu'a fait trop longtemps moi là moi à genoux. D'ailleurs, même mauvais et moi envie crier. Où tu m'as qu'à souffert si la terre où tu ça pas changé. T'es que besoin, tu vois l'amour en fait en moi. Et puis tout ça m'a qu'à pleurer, pas sans appeler. Où tu m'as qu'à souffert si la terre où tu ça pas changé. T'es que besoin, tu vois tendresse. Dis-moi l'amour pour soulager, moi envie de prier. Hey girl, give him some love please. A tous ceux qui m'écoutent, il faut qu'ils sachent bien que tout ce qu'il fait, il ne le fait pour rien. C'est pour faire plaisir à tous ceux qui désirent un brin de vérité en faisant leur chemin. Me direz-vous peut-être que je suis mal appris, mais c'est vrai que j'ai omis de le présenter. Il se nomme Dursin et le prénom César, tout à fait ordinaire et sans publicité. Non, il n'est pas seul, c'est pas du cinéma, il est toujours fauché quand il ne le faut pas. Tout cela pour vous dire et pour faire allusion à son petit nom caché qui n'est que Sylvester. Hey girl, give him some love, please. Si la tête pour qui m'a qu'à souffert.